Ma couille, ma couille, qu'est-ce qu'elle te veut? Ma couille, mais qu'est-ce qu'elle te veut? Ma couille, mais qu'est-ce qu'elle te veut? Ma couille, mais elle est malheureuse.